L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut. Mercredi prochain, la sonde européenne ExoMars Trace Gas Orbiter et son atterrisseur Schiaparelli vont arriver en orbite martienne pour un amarcissage dans la foulée. ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, est une mission pluriannuelle qui a pour objectif d'étudier la fine atmosphère de Mars, et notamment le méthane, même à très faible concentration, qui peut être le signe d'une activité biologique ou géologique. La sonde de plus de 3 tonnes, lancée le 14 mars, emporte un atterrisseur, Schiaparelli, qui entrera dans l'atmosphère martienne dès l'arrivée de TGO le 19 octobre pour se poser sur la planète rouge pour une très courte mission. L'objectif premier de Schiaparelli est de tester une technologie d'atterrissage sur Mars pour préparer le futur rover européen ExoMars qui sera envoyé en 2020. TGO est maintenant arrivé suffisamment proche de la planète rouge, après un voyage de 495 millions de kilomètres, pour procéder aux premières manœuvres. Dès demain aura lieu la séparation de Schiaparelli à 16h42 heure française, et ensuite, pour que TGO puisse rester inséré en orbite autour de Mars le 19 octobre, un dernier ajustement crucial de trajectoire devra être effectué le 17 octobre, avant bien sûr la mise à feu de son moteur de freinage le 19 octobre à 15h05, durant 139 minutes très précisément. Les opérations de descente de Schiaparelli sont entièrement automatiques, avec des commandes préprogrammées, ce qui permet une totale indépendance vis-à-vis d'une éventuelle perte de contact radio avec les différents orbiteurs de Mars qui lui serviront de relais. Le moment le plus crucial est bien sûr l'atterrissage lui-même, ou l'amarcissage. Il aura lieu à 16h48, heure française, le 19 octobre. Après son freinage atmosphérique en partant d'une vitesse de plus de 20 000 km/h, la première phase consiste en la séparation des coques de protection thermique, suivie de la mise en route des capteurs de descente, le déploiement du parachute de freinage, puis enfin la mise à feu des 9 rétrofusées pour contrôler sa vitesse d'arrivée. Schiaparelli est muni d'un radar altimétrique qui mesurera son altitude à partir de 7000 mètres de la surface. Arrivé à 2 mètres de la surface, les rétrofusées seront coupées pour laisser littéralement tomber le module de 577 kg sur le régolithe rouge de Meridiani Planum. Si l'amarcissage de Schiaparelli s'est déroulé nominalement, sa mission devrait durer quelques jours seulement, ses batteries étant de faible autonomie. L'atterrisseur ne communiquera pas uniquement avec sa sonde TGO, mais aussi avec d'autres sondes aujourd'hui en orbite de Mars, américaines et européennes, qui retransmettront ces données vers la Terre. On peut citer MRO, Mars Odyssey, Maven et Mars Express. Vous pouvez voir une vidéo de l'ESA dans le blog qui est très bien faite et qui permet de visualiser exactement ce qui va se passer pour le module Schiaparelli à partir de son entrée atmosphérique. Donc rendez-vous sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, bien sûr. Alors le calendrier en détail est le suivant, avec des heures heure française, hein, c'est-à-dire GMT plus 2. Donc le 16 octobre, nous avons la séparation de Schiaparelli de TGO à 16h42. Le 17 octobre, il s'agit de la manœuvre d'ajustement de TGO à 4h42. Le 19 octobre, nous avons l'insertion en orbite, puis l'entrée atmosphérique de Schiaparelli, donc à 16h42 également. Enfin, l'amarcissage de Schiaparelli est prévu à 16h48, ce mercredi 19. Les premières images de la descente que Schiaparelli va donc fournir, puisqu'il va filmer en fait sa descente, devraient arriver le 20 octobre dans la matinée. Tous ces événements seront retransmis par l'Agence spatiale européenne dans un live stream. Et donc je mets le lien également sur le billet dans le blog. Vous pouvez également suivre les informations correspondantes sur Twitter avec le mot-clé ExoMars ou avec les comptes ESA Operations ou bien ESA_ExoMars ou encore ESA_TGO. Les instruments de Schiaparelli mesureront de nombreux paramètres météorologiques, ainsi que pour la première fois le champ électrique à la surface de Mars, qui serait produit par les grains de poussière en suspension dans l'atmosphère. Les mesures de ce champ électrique, encore hypothétiques, seront effectuées grâce à l'instrument MicroARES, Atmospheric Radiation and Electricity Sensor. L'existence de tels champs électriques de surface, qui sont connus dans les déserts terrestres, peuvent avoir des conséquences importantes à la surface de Mars, par exemple en influant fortement sur la chimie de son atmosphère, et notamment sur l'évolution du méthane. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de Mars, tiens, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes, bien sûr, oui, et sur Stitcher. Allez, à très bientôt. D'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel, vers Mars, par exemple. Et les pieds sur Terre, par contre. Allez, salut !